Qu'est-ce que l'incertitude? C'est une étrange chose que la certitude et l'incertitude, puisqu'on peut être certain de choses évidemment fausses, et pas seulement dans le domaine médical ou politique, comme certains le pensent aujourd'hui, et on peut inversement douter de choses qui nous semblent évidemment vraies. Certes, tout le monde ne doute pas que 2 et 2 fassent 4, mais Descartes l'a essayé dans son doute absolu et métaphysique, et puis on peut douter de choses évidentes, comme même du temps qu'on voit par la fenêtre, du réchauffement climatique ou de choses de ce genre. La certitude et l'incertitude ne sont donc pas exactement la vérité et l'erreur, mais elles ont un lien avec la vérité et avec l'erreur. Et ce lien est très important à comprendre puisqu'il implique ces paradoxes qu'on vient de voir, des risques éthiques et même politiques, puisqu'il faut évidemment se mettre d'accord sur les choses dont nous sommes certains ou incertains, et aussi quelque chose comme un plaisir ou une souffrance, puisque l'incertitude, beaucoup s'en sont plaints à juste titre pendant la pandémie par exemple, l'incertitude nous fait aussi souffrir. Quel est donc le rapport de la certitude et de l'incertitude avec la vérité? Je crois qu'on peut et qu'il faut le résumer d'une phrase, mais qui pourtant ouvre toute une série de problèmes. Mais au fond, c'est le travail quand même de la philosophie. La certitude et l'incertitude sont ce qu'on pourrait appeler le rapport subjectif des humains à la vérité. La vérité s'établit avec des preuves, de manière objective, avec des degrés, même finalement ce qui n'est pas absolument prouvé, on peut prouver en quoi il n'est pas prouvé, c'est ce qu'on appelle la probabilité et des degrés de probabilité, mais cela n'est pas encore la certitude ou l'incertitude. La certitude, c'est plutôt le rapport d'un sujet avec tout son être, avec ses passions, avec sa subjectivité dans son ensemble, à ce savoir prouvé ou non prouvé. Il y a donc deux choses. Il y a le rapport d'un énoncé à un objet. Par exemple, il neige est vrai quand il neige, et 2 et 2 font 4 est démontré par des principes et des axiomes de mathématiques. Ça, c'est le côté objectif, finalement, de la vérité. Et puis, il y a ces étranges sujets humains qui décident d'accorder ou non leur confiance, leur croyance, leur approbation, leur assentiment à des énoncés, à ces mêmes énoncés. Et c'est cela, finalement, qu'on appelle la certitude et l'incertitude. Et d'une certaine façon, tous les philosophes ont dû finalement prendre position sur ces deux aspects, à la fois sur la vérité et sur la certitude, et réguler leur rapport. Et dans l'histoire de la philosophie, il y a ceux qui ont défini la vérité objectivement, en négligeant le côté subjectif de la certitude, ceux qui, au contraire, comme Descartes, ont voulu faire de la certitude le critère de la vérité. On passe par le doute, et puis après c'est la lumière intérieure, la subjectivité, mais une subjectivité profonde. La raison, comme chez Kant, dont on parlera une autre fois, qui prouve la certitude. Et au fond, c'est une thèse extrême, fragile, puisque, comme on l'a vu, la subjectivité est fragile. Peut-être qu'au fond, aujourd'hui, il nous faut repenser les rapports de la vérité objective, c'est-à-dire de la science et de la subjectivité dans toutes ses dimensions, et qu'une véritable politique, mais aussi une philosophie de la connaissance, doit articuler le rapport au monde à travers la science, justement, à travers la connaissance et le rapport entre les humains, pour que nous nous mettions d'accord, non seulement sur ce qui est vrai, faux ou probable, mais sur ce qui est certain ou incertain, et comment vivre avec, entre nous, parmi les hommes.